Perdre. J'ai perdu. Vous avez perdu. Lire. J'ai lu. Vous avez lu. Boire. J'ai bu. Vous avez bu. Entendre. J'ai entendu. Vous avez entendu. Attendre. J'ai attendu. Vous avez attendu. Voir. J'ai vu. Vous avez vu. Prendre. J'ai pris. Vous avez pris. Apprendre. J'ai appris. Vous avez appris. Comprendre. J'ai compris. Vous avez compris. Mettre. J'ai mis. Vous avez mis.